1, 2, 3, 4. Un goût d'été dans un baiser. Au bout d'une île, au bout de la ville, se retourner dans un sourire. Les joies, les peines, nos rendez-vous, des rêves à nu à chaque coin de rue. Tes yeux rieurs, tes seins moqueurs. Un vieux station vient en port frôler ta joue. Le vent est doux. Night of blues, on ne savait rien. On était loin des nuits jalouses. Night of blues, on ne savait rien. On était loin. Nuit jalouse. Tout quitter quand t'as rien, rien à perdre, rien à gagner. Je te suis, tu me suis, on fait le vœu. Des jours heureux, des jours frileux. Puis un matin tombe une larme. Chagrin sans fin qui nous désarme. Le temps s'acharne, on ferme les yeux. S'ouvre les nuits sur ce que l'on fuit. Night of blues, on ne savait rien. On était loin des nuits jalouses. Night of blues, on ne savait rien. On était loin. Nuit jalouse. Dim dim dim dim dim. Qu'est-ce que l'on fait des souvenirs de ces regrets à plus finir? On fait le tour cœur à l'envers. L'eau sous la terre rêve de lumière. Ce qu'on devient nous appartient. Bois dans ma main nos lendemains. Ce qu'on retient nous appartient. Je bois dans ta main nos lendemains. Night of blues, on n'oublie rien. Même si c'est loin des nuits jalouses. Night of blues, on ne savait rien. On était loin des nuits jalouses.